Bonjour à tous et bienvenue pour le troisième podcast Football Right spécial Coupe du Monde. Alors aujourd'hui, avec des intervenants que vous allez découvrir très bientôt, nous parlerons des matchs de la veille, Serbie, Ghana, Algérie, Slovénie et le gros match qui s'est soldé sur un flagrant 4-0 des Allemands opposé à l'Australie. Tout de suite, présentation des intervenants qui parleront foot avec moi. Alors bien évidemment, il y a Baptiste qui est là à mes côtés. Salut Baptiste. Salut Albertine, salut Tom, bonjour à tous. Et notre invité du jour est Tom Bartoli, commentateur en direct des matchs sur aftersportradio.com. Salut Tom. Salut Bertine, salut Baptiste, salut à tous. Donc si vous le voulez bien, on va commencer par la victoire du Ghana sur la Serbie 1-0. Un but de Gian à la 85e minute. La première victoire africaine sur le continent africain durant cette Coupe du Monde. Alors un premier mot sur les matchs, monsieur. C'est vrai qu'on a vu une Serbie très très très pâle hier et qui peut vraiment mieux faire. Oui, les Serbes qui ont été pâles et assez décevants. Moi j'ai quand même été pas mal déçu. Pour leur attaquant Zigic qui a tout raté devant le but, qui avait raté, il a pas réussi une passe, il a pas réussi à reprendre un centre. Pourtant, quand on fait 2 mètres et quelques, je trouve que c'est la moindre des choses. Sinon, il y a peut-être le petit blondiné du CSKA Milos Krasic qui n'était pas mauvais, mais sinon, ouais, j'étais pas mal déçu par cette équipe de Serbie. Complètement d'accord avec ce qu'a dit Tom. Même Pantelic n'a pas été à la hauteur, alors que c'est censé être lui aussi un tueur dans la surface. Et, ils ont eu les actions pourtant, ils ont eu tous les centres qui sont passés, mais il y a un centre, c'est tellement une image du match, un centre où Pantelic il manque complètement son tir. Et le Ghana qui devait pallier l'absence de pas mal de blessés et de forfaits comme Essien, Mounteri ou Apia, qui s'en est plutôt bien sorti, même si eux aussi peuvent mieux faire s'ils avaient une équipe un peu plus collective. Ouais, c'est clair que le problème du Ghana, c'est pas le talent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent dans cette équipe, avec Takoué, avec Ayou, Kian, il y a pas mal de talent, mais comme tu dis, il faudrait peut-être qu'ils jouent en équipe, parce que Takoué, par exemple, il a gardé le ballon jusqu'au bout, il dribblait deux joueurs, et après, au lieu de faire la passe, ben, il s'encastrait sur le troisième. Il y a Kevin Prince-Boateng aussi, qui est un joueur que j'aime beaucoup, mais pour qu'il lâche la balle, je sais pas ce qu'il faut. Mais il y a eu Anand qui avait été pas mauvais, mais sinon c'est vrai que les Ghanéens, s'ils jouent en équipe, ils pourront aller, à mon avis, en tout cas au moins en 8e, surtout face à l'équipe d'Australie qu'on a vu hier, ça on en reparlera. Mais oui, le problème du Ghana, ça va être de jouer en équipe, parce que même Ayou, il était bon, mais souvent il a oublié de faire la passe. Donc assez personnel quand même. On n'a pas vu de jeu en équipe, on a vu des petites individualités, des accélérations de chaque côté. Et heureusement qu'ils ont Gian dans la surface qui est quand même assez incroyable. Et qui est toujours présent, lui il sera toujours présent. Et sur les côtés, bon, Ayou il est quand même censé jouer des fois, enfin il est censé jouer à gauche, il se retrouve à droite, enfin il se baladait quoi. On le rappelle comme ça aux éditeurs, mais le Ghana s'est imposé donc 1-0 sur un but de Gian à la 85e minute sur penalty. Et il a d'ailleurs touché 2 fois les poteaux dans le match. On passe maintenant au deuxième match qui opposait l'Algérie à la Slovénie. Première victoire slovène en Coupe du Monde sur un but de Koren, 1-0, une bourde du gardien algérien, Chouachoui. Mais un très mauvais match quand même, un match vraiment pas agréable à regarder et un des moins bons matchs de cette Coupe du Monde pour l'instant. Nul. Non, franchement, il y a eu un but, ok, mais je crois que c'était pire. Je crois que c'était pire que France-Uruguay, je crois. Et pourtant, il fallait le faire. Un but sur une bourde, encore une monumentale de Faouzi Chaouchi, le goal décisif, qui s'autoproclame quand même un des meilleurs gardiens du monde. Bon, remarque, ce qui est bien, c'est que quand on s'autoproclame, il n'y a personne qui nous contredit, ça c'est l'avantage. Mais sinon, j'ai été déçu par l'Algérie, encore une fois, malheureusement, même si il y avait un jeu assez organisé, on va dire, de la défense au milieu. Il y avait un très bon Nadir Belhaj qui était pour moi le meilleur joueur du match. C'est dire un latéral qui est le meilleur joueur du match. Il y a eu Karim Ziani qui a fait quelque chose, même si ils ont souvent vite perdu le ballon, mais sinon l'Algérie, il y a Yebda qui a été aussi bon. Oui, Yebda était pas mauvais aussi, mais sinon en Algérie il y a un énorme problème en attaque pour les équipes, parce que il y a personne qui sait jouer ensemble. Il y a Matmour qui arrive à jouer quand il est quand il veut, c'est quand il veut Matmour, là, apparemment hier il voulait pas. Avec Djibour ça marche pas, avec Ghezal ça marche pas. Quand je vois que Saadan laisse Bouz sur le banc du début à la fin, alors que ce garçon a beaucoup de talent, moi je pose des questions franchement sur la manière avec laquelle est gérée cette équipe. Et quand vous voyez l'équipe des États-Unis et l'équipe d'Algérie, quand vous comparez un peu ces équipes, laquelle pour vous a le plus de moyens pour accompagner sûrement l'Angleterre en 8e de finale de cette Coupe du Monde? Les États-Unis. Oui, les États-Unis. Oui, rien. Rien que l'attaque Finlay Altidor à côté du Djibour Matmour. On se rend surtout compte que l'Algérie est fondée autour d'une qualification qui a l'air assez incroyable parce qu'ils ne le referaient pas, à mon avis, si c'était à refaire. Et là, on l'a vu. Hein. À partir de là, tout a commencé. C'est fondé autour de choses qui ne se sont jamais passées, c'est-à-dire de réaliser des bons matchs. Pas encore. Donc c'est vrai que l'Algérie, on en parle tout le temps comme d'une équipe qui a la niaque, qui est projetée vers l'avant, etc. Mais hier, elle était vraiment décevante. Et on se rend compte qu'elle va avoir quand même pas mal de soucis à avoir si elle veut se qualifier pour les huitièmes de finale, donc ça reste à voir. On passe au troisième match maintenant. Donc une victoire nette et sans bavure des Allemands, 4-0 sur le début de Podolski, Klose, Müller et Cacao. Une énorme équipe d'Allemagne qui a montré que son jeu était d'ores et déjà bien huilé. Malgré qu'en face ce ne soit que l'Australie, l'équipe d'Allemagne a quand même impressionné hier soir et nous a livré un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde pour l'instant. Et surtout avec beaucoup de buts, 4 buts, c'était déjà énorme. Là pour le coup on a eu un dominant et un dominé. Oui. L'Australie n'a pas eu du tout, je pense, une occasion vraiment franche. Le peu qu'ils ont, ils ne peuvent pas. Et puis quand ils commencent vraiment à se réveiller après la mi-temps, carton rouge directement pour Tim Kelly. Donc c'est assez compliqué d'y aller. Quoi. On leur a mis le carton rouge au moment où on sentait l'Australie capable d'aller en mettre fin. Il n'y avait que 2-0 et puis après l'Allemagne a déroulé. Ça penchait à droite en première période avec Lahm, avec Müller qui a été quand même, à mon avis, l'homme de ce match, parce qu'il marque un but et il est vraiment sur toutes les actions, il est là. Et puis après, ça s'est rétabli à gauche avec Podolski et Ozil, qui a été aussi vraiment un très très bon joueur et qui a été à droite quand il fallait être à droite et à gauche quand il fallait être à gauche, donc vraiment très très mobile ce joueur. Donc c'est une très très bonne victoire pour les hommes de Joachim Löw qui s'imposent en fait directement dans cette Coupe du Monde comme un aussi des concurrents au titre et qui pourrait très bien aller au bout quand on sait qu'ils ont une demi-finale en 2006 et une finale en 2008. C'est l'Australie, hein, encore une fois. Ça a tiré des points sur la comète, ça reste l'Australie, c'est 4-0, ça va. Maintenant, il va y avoir d'autres matchs. De toute façon, les matchs de groupe vont être assez faciles, je pense, pour l'Allemagne. En huitième, ça sera autre chose, en quart, ça sera autre chose. Je pense qu'ils iront au moins en quart et je ne vois bien aller en demi, mais il faut faire attention. Oui, je pense que l'Allemagne, de toute façon, ils sont toujours là, hein. Ils sont toujours au moins en quart de finale. Mais pour revenir sur ce match, c'est vrai qu'encore une fois, on a une équipe d'Australie qui, pour moi, n'a rien à faire là. S'ils n'avaient pas la place du quatrième ou du troisième asiatique, ce serait jamais la Coupe du Monde, à mon avis. C'est peut-être avec le barrage de l'Océanie, mais bon, bref. Sinon, il faudra m'expliquer aussi un truc au niveau tactique australien, c'est qu'ils jouent avec Cahill seul en pointe, en même temps que Cahill était sur le terrain, sauf que Cahill n'est pas un attaquant de pointe, et il lui envoyait des longs ballons sur lui, sachant que Cahill doit faire à moins d'1m80, et que contre lui, il avait Mertesacker et Friedrich, qui font quasiment 2m tous les deux. Donc déjà, à ce moment-là, quand j'ai vu que l'Australie jouerait comme ça, je me suis dit qu'ils auraient vraiment beaucoup de mal à marquer, et ils ont eu beaucoup de mal, et en tout cas, du côté de l'Allemagne, on a vraiment vu une belle équipe, une très belle équipe allemande, et j'ai beaucoup aimé Kedira, qui ressemble beaucoup, d'ailleurs, je vais le placer ici aussi, à Milan Baros. Voilà, ouais, moi aussi, ça va. Non, mais c'est vrai que l'Australie a joué beaucoup sur les centres, ils ont fait autant de centres que l'Allemagne, et quand tu sais ce qu'ils ont, c'est pas des géants, et c'est pas non plus des tueurs de la tête, bah, c'est normal que ça... Ni 0 but marqué par l'Australie, c'est pas étonnant. Alors moi, un qui m'a encore impressionné, c'est le capitaine Philipp Lahm, le joueur du Bayern Munich, qui a encore été une fois très conquérant sur cette position de balle, qui n'a pas hésité à monter, et qui est pour moi un des meilleurs arrière-droits de la planète. 4 ans, il a pris sa place. Il y a 4 ans, il avait marqué le premier but de son équipe dans le Mondial et ça avait été un peu la révélation. Là, c'est bon. C'est le capitaine, c'est celui qu'on verra tout le temps maintenant, titulaire indiscutable et passeur, buteur, enfin, capable de tout. Ouais, en 2006, il jouait à gauche, là il s'impose à droite. Mais ouais, Philipp Lahm, je pense qu'avec Ramos et Maicon, il n'y a pas mieux, alors qu'aujourd'hui en Europe, de toute façon. Ah, il s'est peut-être mis à droite aussi parce qu'il n'avait pas grand monde pour vraiment avoir un côté droit énorme. Ils avaient Bastuber pour mettre à gauche. Je ne sais pas si après c'est plutôt un choix de l'entraîneur et peut-être pas lui qui a voulu, je ne sais pas. Et Lahm qui a d'ailleurs fait hier une passe décisive pour la tête de Klose, le deuxième but allemand. Alors moi j'ai trouvé que Müller était très lucide, avec beaucoup de maturité et de créativité dans son jeu. Après beaucoup ont remarqué la performance d'Ozil aussi, le nouveau. Lequel de ces joueurs vous a le plus plu hier ? Müller, j'aime pas spécialement ce joueur. Il a mis un très beau but, un superbe crochet. Mais je préfère Ozil à Müller. Je sais pas, je trouve que c'est plus beau à voir. Après, c'est un choix personnel. Non, mais je trouve qu'on avait déjà vu Müller, surtout. On le connaît. Ozil, s'il est dans un club où on n'a pas eu trop l'occasion de le voir, nous, de France. Et là, il arrive et on est en train de découvrir un joueur qui est vraiment génial parce qu'il est capable de se mettre au bon endroit au bon moment, il sent les coups et tu sens qu'il est déjà important dans le jeu de l'Allemagne alors qu'il vient d'arriver. Donc c'est quand même. Ouais. Même s'il bouffe un peu la feuille à un moment sur Schwarzer là. Ouais, il a des deux qui seront à noter, mais à mon avis il est vraiment bien parti pour être un élément indiscutable. Il le sera. Alors aussi, comment vous expliquez après ce qu'on a vu hier la fluidité du jeu de l'Allemagne, les différentes tactiques qu'ils peuvent mettre en place, cette capacité à toujours créer quelque chose de nouveau, à passer par plusieurs côtés, essayer différentes tactiques, et comment vous pouvez expliquer qu'on soit notamment plus, qu'on vibre plus en fait, devant un match de l'Allemagne, avec des buts, avec du beau jeu, avec des belles passes, des belles actions, que devant un match de la France, alors qu'on est ici tous français et qu'on devrait être tous derrière notre équipe nationale. Comment expliquer qu'on soit plus passionné par un match de l'équipe d'Allemagne que par un match de l'équipe de France? La formation. Déjà. Le fait qu'ils jouent tous, presque tous, dans le championnat allemand, qui est un championnat de très haut niveau quand même, il faut le dire. Et le fait que l'équipe, même s'il y a des changements et même s'il y a des jeunes, l'équipe reste à peu près la même depuis 4 ans, avec des titulaires indiscutables qui sont là depuis longtemps. Schweinsteiger, Podolski, Klose, t'as aussi Lam, donc depuis 4 ans maintenant. Donc ces mecs-là sont là, et après ils rajoutent autour des joueurs qui ont vraiment des talents indiscutables. Je suis assez d'accord avec toi, Baptiste, hein. C'est clair qu'ils jouent ensemble depuis 4 ans, ils sont en Allemagne. Et il faut pas oublier quand même qu'ils ont aussi un très bon coach. Joachim Löw. Voilà. Ça peut faire la différence, un bon coach et un moins bon coach, hein. Si vous voyez de qui je parle. L'Allemagne a toujours quasiment bien joué au foot, hein. On a toujours l'image, on a toujours le préjugé en France de l'Allemand bourrin qui rentre dedans, mais il n'y a pas eu que Heinz-Harald Schumacher dans l'histoire. Il y a eu des très très bons manieurs de ballon, hein, des libéraux comme Beckenbauer. C'est pas l'Allemagne, Schumacher. Oui, voilà, c'était la RSA en plus, mais bon, là. Non, mais oui, d'accord, je vois. En plus, ils sont là depuis 10 ans, ils sont tout le temps là, quoi. Oui, c'est sûr, mais. Voilà, moi je sais pas, mais ils ont des milieux défensifs, franchement, hein. ils ont quand même une technique assez énorme. Schweinsteiger qui a été milieu offensif, qui est milieu défensif, Khedira, moi je sais pas, des Khedira de Schweinsteiger, j'aimerais bien en avoir 10 dans mon équipe à la place de milieu défensif. Hein. Ouais, c'est sûr. La seule chose regrettable en fait dans le groupe, c'est qu'on risque de connaître les deux qualifiés pour les huitièmes de finale dès la deuxième journée, vu que le Ghana remporte l'Australie et que c'est quelque chose totalement à leur portée. Et que l'Allemagne va sûrement s'imposer face à l'Algérie, donc on pourra, comment dire, regretter un petit manque de suspense dans ce groupe, en quelque sorte. J'étais là pour voir s'ils sont capables de faire ce qu'a fait l'Allemagne. Parce qu'en même temps, c'est facile, parce que c'est l'Australie, mais en même temps, il faut le faire. Et le Ghana, je suis pas sûr qu'ils aient encore le jeu. Pour... En même temps, le Ghana n'a pas du tout la même équipe et, je pense, la même puissance que l'Allemagne dans ces grandes compétitions. Non, ils n'ont pas l'expérience. Maintenant, le Ghana, c'est quand même une bonne Coupe d'Afrique des Nations là, cette année. Et vraiment, il y a du potentiel. Tom l'a dit, il y a vraiment que des joueurs qui sont impressionnants, que nous, on connaît parce qu'ils sont souvent en France, ils passent pas loin de la France. Donc après, il faut que ça joue en équipe. Ils ont un entraîneur qui est quand même, à mon avis, assez bon pour faire ça. Donc ça devrait se mettre en place. Je pense que ça peut se mettre en place durant la Coupe du Monde, surtout en partant d'une belle victoire contre les Serbes, où ils ont quand même failli passer à côté. Donc, non, ils ont tout pour. Après, il faut bosser. Pour le Ghana, je pense pas qu'ils mettront 4-0 à l'Australie comme l'a fait l'Allemagne. Mais je pense qu'ils peuvent passer parce que déjà, ils ont un très bon gardien. Déjà. Et ça, c'est pas donné à toutes les équipes africaines, comme on a pu voir hier. Et ils ont, je pense, des joueurs de grand talent à tous les postes, puisque ils avaient été champions du monde, je crois. Des moins de 20 ans, toute la génération, là, les Ayou, les Adiya. Donc, moi, à mon avis, ils peuvent aller loin. Je pense que ça va être, à mon avis, la seule équipe africaine à sortir des poules. J'aime beaucoup les équipes africaines, mais je vois que eux sortir, à part peut-être un miracle de l'Afrique du Sud. Et en tout cas, moi, il y a un joueur que j'aimerais bien voir un peu plus jouer, c'est le jeune joueur du Milan AC, Dominique Adiya. Ce garçon a beaucoup de talent et l'entraîneur du Ghana ne m'écoute pas maintenant, mais j'aimerais bien qu'il le fasse jouer. Voilà. Il y a vraiment un truc que Tom a dit qui est vrai, c'est le talent des gardiens des équipes d'Afrique noire. Pour l'instant, Nigeria, Afrique du Sud et Ghana, c'est du bon niveau. Ça, c'est sûr, on l'avait vu notamment lors du match d'ouverture, le très bon gardien. Oui. Non, vraiment, vraiment, des bons. Après, c'est Chaouchi, bon, c'est l'inconnu. Hein. Par contre, j'ai l'impression que les gagnants sont peut-être bons, mais les défenses sont assez inquiétantes depuis le début de cette Coupe du Monde. J'ai pas vu des défenses très, très sereines. Même l'Allemagne, ça n'a pas été... serein, mais après, ouais, c'est le premier match, donc c'est peut-être plus facile dans ton premier match de te porter vers l'attaque que pour l'instant avoir une bonne défense. Il faut les automatismes aussi. Nous, on sait qu'en France, on les aura pas, puisqu'on a Abidal et Gala, c'est que ça a toujours été le problème. Et je suis pas sûr qu'on. Je pense qu'on peut voir des bonnes défenses sur l'Espagne, parce qu'ils sont assez complémentaires et assez complets. Mais il faut attendre, à mon avis, tous les matchs du premier tour pour tirer un gros bilan là-dessus. Ce sera, à mon avis, la question de la défense qui va être la question à la fin des matchs du premier tour. Les premiers matchs. Comme vous le savez, après avoir débattu les trois matchs de la veille, on arrive à l'épreuve fatidique des pronostics des intervenants du podcast sur Football Right. Alors, Baptiste Eston, je vais vous demander tout d'abord un premier avis sur le match qui opposera les Pays-Bas au Danemark à 13h30 heure française cet après-midi. Pays-Bas, Pays-Bas. Ça paraît normal quand on connaît l'équipe des Pays-Bas qui ont d'énormes individualités comme Arjen Robben et Raphaël van der Vaart ou Marco Nouvel. Mais est-ce que vous n'avez pas peur néanmoins que cette équipe fasse comme à l'Euro 2008 où ils démarrent en trombe, où ils terminent premier de leur groupe largement avec une victoire 4-1 contre les Français et 3-0 contre les champions du monde en titre, les Italiens? Est-ce que vous n'avez pas peur donc qu'ils s'effondrent après en phase finale comme ils l'ont fait en 2008, comme je le disais? Si, mais c'est ce qui va se passer à mon avis. Hein. À mon avis, comme depuis 19 Coupes du Monde, ou je sais plus combien ils en ont participé, ils vont sortir avec 9 points et ils vont se faire sortir en 8e ou en quart quand ils vont affronter une équipe qui va leur rentrer dedans. Je vois pas cette équipe-là des Pays-Bas très différente, même s'il y a beaucoup, beaucoup de talent. Des équipes qu'il y avait il y a quelques temps, à mon avis, ouais, ils vont faire comme d'hab, ils vont se voir trop beau, trop vite et ils vont sortir en quart. Ouais, ça a l'air inévitable. C'est dur, mais je n'arrive pas à les imaginer autrement. Après, peut-être qu'ils vont me surprendre. Hein. À 16h, c'est l'entrée en liste d'une nouvelle équipe africaine, le Cameroun, qui recevra le Japon. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Japon, cher à Tom, je ne sais pas, parce que le Cameroun, je n'ai jamais été persuadé, moi, de cette équipe durant la dernière année. Donc, je pense que ça pourra plutôt être un match nul. Si j'ai un mot pour les gens qui vont nous écouter, si vous avez un truc à faire aujourd'hui, que vous devez rater un match, ratez celui-là. Parce que franchement, le Japon, il y a une défense super inquiétante. C'est quand même 3 buts contre leur camp en 4 matchs de préparation. Il y a, même si je pense que la tactique que va faire Okada, Il y a pire que la France. Même si la tactique, parce que la tactique que va faire Okada ce soir, il va jouer qu'avec un seul attaquant de pointe qui va être Honda qui n'a jamais été un attaquant de pointe quand même, je tiens à dire. Il va sortir Morimoto et Okazaki qui sont deux très bons joueurs. Donc ça va être une tactique super défensive face à un Cameroun qui a du mal à marquer des buts. C'est pas gagné. Et surtout le Cameroun, si Achille Owebo marque et Keto ne marque pas, on va encore avoir une belle petite histoire au Cameroun. Donc ça peut quand même être un match qui vaut son pesant d'or puisque on peut avoir encore des conflits dans cette équipe, voilà. Et donc ça, ce sera à 16h, heure française, et le Cameroun qui est notamment entraîné par l'entraîneur français Paul Le Guen. À 20h30, le match du soir, l'entrée en liste des champions du monde, qui donc viennent à cette Coupe du Monde remettre leur titre en jeu, Italie face au Paraguay. Moi, je vois une victoire de l'Italie sans convaincre. Moi, je pense, Baptiste, que l'Italie dans toutes les phases de poule quasiment qu'ils ont depuis le début des Coupes du Monde, ils font toujours un match nul. Et là, je pense que ça va être là parce que je ne les vois pas être accrochés par la Nouvelle-Zélande ou par la Slovaquie, franchement. Donc, je pense qu'ils vont gagner, et qu'après, ils vont gagner sans convaincre, et qu'ils seront sûrement encore en quart de finale. Mais s'il y a un joueur, en tout cas, à suivre dans ce match, ça sera Ricardo Montolivo, qui est un très, très bon joueur et jeune. Fiorentina? Ouais, parce qu'il y a aussi des jeunes en équipe d'Italie. Et Di Natale, qui a été le meilleur buteur italien. Qui sera remplaçant? Oui. D'accord. Personne en Italie ne comprend pourquoi, mais il préfère faire jouer Iaquinta normalement. C'est Lippi, donc on peut rien lui dire. Voilà, c'est Lippi, là, il a une carrière, quoi, c'est pas Domenech. Eh bien, je vous remercie tous les deux pour vos pronostics et pour avoir participé à ce podcast sur le Red. Baptiste, si tout va bien, normalement, on se retrouve demain, comme tous les jours. Donc, à demain. Oui, à demain. Et Tom, on te remercie beaucoup pour ta première intervention dans ce podcast. On espère que tout marchera pour toi sur aftersportradio.com. Merci à vous de m'avoir accueilli. Au revoir à tous. Et donc à demain pour un nouveau podcast sur footballrad.com.